Vénérable Nepola Gunaratana, Le chemin octuple. Chapitre 3. La parole juste. Deuxième partie. Évitez les bavardages inutiles. La quatrième forme de parole erronée est le bavardage que le Bouddha caractérisait comme des paroles irréfléchies et futiles. Quand nous disons en anglais le mot « gossip », qui signifie bavardage, commérage ou cancan, nous pouvons faire référence à tout un éventail de paroles négatives, depuis les invectives malfaisantes jusqu'aux simples bavardages irréfléchis et inutiles. Toutes ces paroles sont considérées comme erronées selon l'enseignement du Bouddha. Colporter des cancans au sujet des autres est un problème, que ce que nous disons de quelqu'un soit vrai ou non. Après tout, si trois personnes rapportent une histoire à propos d'une quatrième, chaque histoire sera différente. La nature humaine est telle que nous avons tendance à croire tout ce que dit celui qui parle en premier, même s'il ne s'agit que de la version d'une seule personne. Celle-ci peut être fondée sur la vérité, mais le commérage va l'embellir et l'exagérer. Les cancans conduisent à des querelles et à des malentendus. Ils peuvent détruire les relations. Dans les cas les plus sérieux, ils peuvent entraîner des procès en diffamation. Écoutez l'histoire suivante, où à l'époque du Bouddha, leur pouvoir fit tomber une grande confédération. Les Lichavis formaient un clan fier et libre, l'un des plus puissants et importants membres d'une solide confédération de 8 clans. Leur capitale était la capitale de la confédération. Un souverain ambitieux, le roi Ajatasattu, principal soutien de Devadatta, le moine malfaisant, projeta d'envahir et de vaincre les Lichavis. Il demanda au Bouddha son opinion sur le plan d'invasion. Le Bouddha parla de l'harmonie dans laquelle vivaient les Lichavis et dit au roi « Vous ne pouvez pas les envahir tant qu'ils demeurent unis et harmonieux. » Le roi retarda son attaque et réfléchit à la déclaration du Bouddha. Le roi Ajatasattu imagina ensuite un plan simple et tortueux. Il donna pour instruction à son premier ministre de dire quelque chose à voix basse à l'oreille d'un Lichavi. Le premier ministre alla trouver l'un des Lichavis et chuchota d'un ton catégorique « Il y a du riz dans une semence de riz non décortiquée ». C'était une affirmation banale et futile. Tout le monde savait qu'on peut trouver du riz dans une semence de riz non décortiquée. Mais, ayant vu que quelque chose était ainsi chuchoté à l'oreille, un autre Lichavi commença à se demander ce que le premier ministre du roi Ajatasattu avait dit à cet homme. Lorsqu'il le lui demanda, celui-ci répéta la déclaration concernant la semence de riz non décortiquée. Entendant la phrase, le second Lichavi pensa « Cet homme-là cache la vérité. Il n'a pas confiance en moi. Il a fabriqué cette stupide affirmation sur la semence de riz non décortiquée pour me tromper. » Plein de suspicion, il dit à un autre membre du clan que l'homme avait parlé à voix basse avec le premier ministre. Ce dernier le dit à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les gens croient que le premier Lichavi était un espion et qu'une conspiration secrète couvait au sein de leur clan. La paix était brisée. Des accusations et des disputes naquirent parmi les Lichavis. Des combats éclatèrent entre les familles dominantes. La confusion régnant chez son ennemi, le roi Ajatasattu envahit les Lichavis, et ses troupes en firent aisément la conquête. il conquit ensuite le reste de la Confédération. Je n'ai pas besoin de tels récits pour me convaincre que les commérages sont nuisibles. J'ai expérimenté personnellement à quel point ils peuvent être nocifs. Il semble que, chaque fois que quelqu'un essaye de faire quelque chose pour le bien de la société, certaines personnes sentent le besoin de s'opposer à cet effort. Peut-être sont-elles inquiètes ou jalouses du succès d'un autre. Les rumeurs sont leurs armes. Elles n'ont pas besoin de se mettre en avant ni de fournir des preuves. Elles peuvent chuchoter des insinuations et faire confiance à l'empressement des gens envers les bavardages inconsidérés pour accomplir leur sale travail. La première fois que nous avons essayé de trouver de l'argent pour bâtir notre centre, certaines personnes propagèrent des rumeurs sur la Bhavana Society. Certains dirent que j'escroquais les donateurs, car j'avais l'intention d'utiliser les fonds que nous collections pour démarrer une affaire louche afin de gagner de l'argent. Des lettres anonymes furent envoyées à des personnes clés pour leur dire de ne pas nous faire de dons. La rumeur fut lancée par malveillance, mais elle fut répandue par des gens qui ne connaissaient simplement pas la vérité. La communauté bouddhique de la ville où j'habitais, qui avait initialement soutenu le projet, se divisa. Heureusement, ceux qui s'opposaient à la réalisation de la Bhavana Society ne purent trouver aucune anomalie réelle à amplifier, sans quoi ils auraient complètement ruiné nos efforts. Tant que les gens seront prêts à croire tout ce qu'ils entendent et à le répéter inconsidérément, les rumeurs circuleront. Un jour, un membre américain du conseil d'administration de la Bhavana Society se rendit au Sri Lanka. Pendant son séjour, il se joignit à un groupe de méditants venant de divers pays et ils passèrent une soirée ensemble à parler des centres de méditation de différents endroits. Dans cette assemblée, quelqu'un mentionna la Bhavana Society et une femme s'exclama « Oh, c'est le centre où ils font une cérémonie du thé en fin de journée ». Lorsque notre administrateur protesta, la dame insista, disant qu'elle savait que son assertion était vraie. En fin de compte, notre membre dit « Eh bien, je connais Bhante Gunaratana depuis 1971 et j'ai été impliqué dans la Bhavana Society depuis son commencement. Je sais qu'il n'y a pas de cérémonie du thé. » Si quelqu'un connaissant la vérité n'avait pas été présent, personne n'aurait été capable de contredire la dame. Peut-être certains auraient-ils ajouté d'autres commentaires erronés et, qui sait, même préjudiciables. C'est ainsi que les rumeurs commencent et qu'elles nuisent aux gens et aux institutions. Si nous entendons quelqu'un cancaner ou dire des choses dommageables, nous avons deux possibilités. Ou bien nous arrêtons la conversation, ou bien nous dissuadons la personne de tenir des propos négatifs, comme le fit notre administrateur dans ce cas. Mais dans l'enseignement du Bouddha sur l'abstention des commérages, il y a un message encore plus radical et plus fort, celui que toute parole non nécessaire est dommageable. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à parler de la nourriture que nous avons mangée il y a plusieurs jours ou plusieurs mois, à essayer de nous rappeler les détails d'un film stupide ou d'un spectacle télévisé que nous avons vu. Nous perdons encore plus de temps à dire des choses simplement pour faire rire les autres. Ce genre de propos ne conduit à aucun approfondissement de la sagesse. Quand on considère combien la vie humaine est courte, et qu'elle peut être facilement enlevée par un accident ou la maladie, voulons-nous réellement gâcher notre temps précieux à nous distraire par de futiles bavardages? Quelqu'un dont les cheveux sont en feu doit d'urgence essayer d'éteindre l'incendie. De même, nous devons réveiller notre sens de l'urgence spirituelle pour nous libérer du feu des états mentaux négatifs, plutôt que de gâcher notre temps à bavarder. Maintenant, Il est vrai que des paroles apparemment vaines et stupides peuvent en réalité servir un but important. Parfois, nous devons dire des paroles douces et insignifiantes pour consoler quelqu'un ou pour nous relier avec amour à nos enfants. Toute parole consciente motivée par l'amour et la compassion est une partie acceptable de la parole juste. Le test consiste à nous arrêter et à nous demander avant de parler « Est-ce vrai ? Est-ce bienveillant ? Est-ce bénéfique ? Est-ce blessant pour quelqu'un ? Est-ce le bon moment pour parler ?» Mettre en œuvre la parole juste. La parole juste n'est pas quelque chose que vous pratiquez sur le coussin. Elle intervient dans le dialogue, non dans le silence. Toutefois, pendant la méditation formelle, vous pouvez penser à votre façon de parler habituelle et essayer de transformer les pensées qui apparaissent en pensées justes, celles qui ont pour motivation la générosité, l'amitié-bienveillance et la compassion. Vous pouvez analyser vos actions passées et vous demander « Ai-je parlé correctement hier ? Ai-je uniquement parlé gentiment et avec bonté ? Mes paroles étaient-elles sensées ? Étaient-elles véridiques ?» Si vous découvrez que vous vous êtes égaré de quelque manière, vous pouvez vous promettre d'améliorer votre attention à la parole juste. La résolution la plus importante que vous puissiez prendre est de vous promettre de penser avant de parler. Les gens disent « surveillez votre langue », mais il est plus important de surveiller notre esprit. La langue ne remue pas toute seule, l'esprit la contrôle. Avant d'ouvrir la bouche, regardez votre esprit pour voir si votre motivation est saine. Vous en viendrez à regretter toute parole motivée par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. Prenez aussi une forte résolution de ne rien dire qui pourrait blesser une autre personne. Cet engagement vous aidera de façon certaine à penser soigneusement avant de parler. Quand vous parlez attentivement, vous parlez automatiquement de manière véridique, avec gentillesse et bonté. L'attention vous empêchera d'utiliser les poignards verbaux qui peuvent transpercer les gens jusqu'à la moelle. Si l'envie de prononcer des paroles blessantes vous prend, utilisez immédiatement l'attention et l'effort juste pour empêcher ces pensées de persister. L'engagement de ne pas blesser les autres par vos paroles est particulièrement important lorsque vous conversez avec quelqu'un envers qui vous avez du ressentiment, ou lorsque vous discutez d'une situation qui vous tient fortement à cœur. Faites attention. N'utilisez que des mots aimables, soigneusement choisis. Parler avec douceur peut apporter paix et harmonie à cette situation et permettre que la conversation se poursuive d'une manière fructueuse, profitable et amicale. Si quelqu'un vient vous trouver et parle de manière irritante, vous harcelant ou disant du mal d'un de vos amis par exemple, et si vous sentez que vous êtes en train de vous fâcher, arrêtez simplement de parler. Redites-vous silencieusement « Je ne dois pas réagir. Je ne dois pas tomber dans la même absence d'attention que cette personne. Cette conversation ne mène nulle part. J'ai choisi de ne tenir que des conversations ayant un sens. » Fréquemment, votre interlocuteur répondra à votre silence en arrêtant ses paroles irritantes. Vous pouvez utiliser la pause qui s'ensuit pour ramener la conversation dans une meilleure direction. En fait, pour vous qui marchez sur le chemin du Bouddha, dès que vous savez qu'une conversation s'engage dans la mauvaise direction, vous devriez assumer la responsabilité de la remettre sur les rails. Il est si facile de se laisser emporter par des paroles émotionnelles et de se mettre à crier. Un concours d'éclats de voix rend malheureux tous ceux qui y participent. Avec l'attention, rappelez-vous à quel point vous vous sentez malheureux quand vous avez perdu votre contrôle émotionnel. Rappelez-vous que des heures ou des jours peuvent être nécessaires avant que vous vous calmiez suffisamment pour parler de nouveau à votre interlocuteur. Beaucoup de bons sentiments seront perdus, peut-être pour toujours. Cependant, malgré tous vos efforts, vous vous mettrez parfois encore en colère. Si quelqu'un vous provoque continuellement, en vous attaquant avec des poignards verbaux, vous pouvez vous retrouver dans une grande confusion et complètement désorienté. La colère peut alors très facilement apparaître. Quand vous voyez votre confusion grandir, dites à l'autre personne « Attendez une minute », dans l'espoir de trouver un moment pour éclaircir votre esprit. Mais si votre interlocuteur répond « Non, attendez vous-même une minute » et continue d'attaquer, que faire ? Dans de telles situations, quand la conversation échappe au contrôle, votre travail consiste à restaurer rapidement votre attention et à utiliser l'effort juste pour surmonter la colère. Même si vos émotions coléreuses font battre votre cœur rapidement, si votre corps est en sueur, si vos mains tremblent, le souvenir de votre résolution d'éviter toute parole brutale peut vous aider à garder le contrôle. Refusez simplement de laisser votre colère vous souffler quoi dire. Concentrez-vous sur votre respiration pour rétablir l'attention, jusqu'à ce que votre colère se soit calmée. Vous calmer vous donne, ainsi qu'à l'autre personne, une chance d'ouvrir vos cœurs d'une manière plus amicale. À mesure que votre cœur se réchauffe, vous voyez l'autre personne plus clairement et vous comprendrez peut-être pourquoi vous vous êtes énervés l'un et l'autre. Vous pouvez aussi voir à quel point un état d'esprit coléreux vous trouble. Vos sentiments de respect et de responsabilité grandissant, vous pouvez décider d'utiliser ce moment pour commencer une relation nouvelle, plus amicale, et pour renforcer votre camaraderie. C'est ce que vous devez toujours espérer accomplir. Quand vous constatez que vous avez discipliné votre esprit et vos paroles et que la situation est devenue plus harmonieuse, soyez-en heureux. Dites-vous, c'est ce que je veux. Je veux toujours agir de manière à permettre que ces bonnes choses arrivent. Faites revenir cette pensée encore et encore. Permettez-moi de vous raconter une histoire datant d'une époque où je devais moi-même utiliser l'attention pour pratiquer la parole juste. Mon expérience vous apportera peut-être quelques idées quant à la façon d'appliquer l'attention à des situations qui se produisent dans votre vie, à votre travail, à la maison et dans vos relations personnelles. Il y a de nombreuses années, alors que j'avais la responsabilité d'un temple, un groupe de personnes convoqua une assemblée des bienfaiteurs du temple. Ces personnes s'opposaient à une activité que j'avais instaurée et elles avaient besoin d'une tribune pour exprimer leur frustration. Un petit jeu de massacre était peut-être aussi à l'ordre du jour. Parmi ces personnes, certaines avaient des opinions tranchées sur les sujets à discuter. Elles étaient nées dans des familles bouddhistes, mais elles n'étaient pas intéressées par la méditation. En fait, elles considéraient la méditation comme une folie. Par suite, elles ne comprenaient pas mon travail. Je m'attendais à être sur la sellette pendant cette réunion, mais ce qui arriva fut pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Environ 40 personnes étaient présentes à la réunion, y compris de nombreux membres de ma famille, des amis proches et d'autres personnes qui espéraient montrer leur soutien à mes programmes. Avant que la réunion ait formellement commencé, un homme très ordinaire se leva et commença à parler. c'était un homme sans éducation, inexpérimenté, enclin à un langage grossier. Il avait peu à dire sur les sujets à l'ordre du jour, mais beaucoup à mon sujet. En termes vils et vulgaires, il m'accusa de n'avoir rien fait pour le temple depuis des années et de mettre ses subsides en danger, etc. Il utilisa un langage socialement inacceptable, désobligeant et blessant, tout au long de sa tirade qui dura environ 20 minutes. Pendant cette choquante agression verbale, je réfléchissais. Pour empêcher la colère d'apparaître, je me raisonnais. Je pouvais me rendre compte que l'homme était perturbé et je pensais en moi-même « Je sais que cet homme est d'une nature paisible. Nous avons eu une bonne relation. » Pour dire des choses pareilles, il a dû être influencé par quelqu'un qui a de très fortes opinions sur ces sujets. Pendant que l'homme continuait à parler, je me faisais la réflexion que j'avais eu de nombreuses opportunités de développement spirituel et culturel qui lui avaient manqué. Je me souvins qu'il avait seulement une éducation scolaire élémentaire, peu de capacités et peu d'intérêt pour la pratique spirituelle. J'essayais ainsi de cultiver de la compassion pour lui et également de la gratitude que mon éducation rendit peu probable que je parle ou agisse jamais comme il le faisait. J'ai aussi réfléchi sur le contexte de ce qui se passait. J'ai considéré que si je disais quoi que ce soit pour m'opposer à lui, ceux qui me soutenaient prendraient mon parti et que la réunion pourrait dégénérer en vilaine bataille. J'observais les gens qui ouvraient des yeux de plus en plus grands. Je les voyais regarder l'homme de travers et s'agiter sur leur chaise. Je sentais que les membres de ma famille, en particulier, étaient profondément affectés. Je suis un aîné dans ma famille, un frère, un oncle, un grand-oncle et un arrière-grand-oncle, et je suis connu comme étant un moine affable. Naturellement, ma famille me respecte et a un sentiment protecteur à mon égard. Je savais que si je donnais l'impression d'être blessé ou contrarié par ce que disait cet homme, les membres de ma famille éprouveraient de la colère et d'autres états d'esprit malsains. Peut-être même pourraient-ils attaquer l'homme physiquement. Aussi me suis-je dit, là, je dois exercer l'attention, la patience et la compréhension pour apporter la paix à cette réunion. J'ai donc établi l'attention en me concentrant sur ma respiration. Quand on est confronté à un défi de ce type, il est très important de faire une pause et d'effectuer quelques respirations profondes avant de répondre. Peut-être respirer profondément pendant 2 minutes, ou 30 inspirations et 30 expirations. Cette pause vous donne le temps de vous détendre et de vous éclaircir l'esprit, de sorte que vous pouvez parler de manière sensée, au lieu d'exploser. Finalement, l'homme parut à bout de souffle et il arrêta de parler. Tout le monde était tendu. Tous me regardaient. D'une voix tranquille, je dis « Ce monsieur a été un de mes amis. Il a été un bienfaiteur de ce temple et a fait de nombreuses choses bonnes et utiles. Il sait également ce que j'ai fait pour le temple pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, il semble fâché, désappointé, et peut-être ne se sent-il pas tout à fait lui-même. » Par conséquent, j'éprouve l'envie de lui donner mes bénédictions ainsi qu'à tout le monde. J'ai demandé à toutes les personnes présentes de joindre les mains en position de prière et de rendre hommage au Bouddha en disant 3 fois « Hommage à lui, l'Arahant, le Bienheureux, parfaitement et pleinement éveillé ». C'est ainsi que nous commençons habituellement les cérémonies solennelles. Dès ce moment, par le simple poids de la tradition, il n'y avait aucune possibilité pour qui que ce soit de susciter une quelconque querelle ou d'exprimer une opinion négative. Cela aurait paru manquer de respect au Bouddha. Ensuite, j'ai guidé le groupe dans la prise des 5 préceptes, ce qui a élevé les esprits et assuré que chacun se souvienne des règles de comportement justes et sains, énoncées par le Bouddha. Enfin, j'ai récité une longue formule de bénédiction et, pour finir, j'ai dit « Maintenant, vous pouvez tous rentrer à la maison. La réunion est terminée. » Et ce fut la fin. Pendant quelques années, l'homme resta froid à mon égard, mais plus tard, j'ai eu l'occasion de lui rendre service quand il traversa de sérieuses difficultés. Depuis lors et jusqu'à ce jour, il est resté amical envers moi et il n'exprime que sa gratitude et son respect. L'attention est la clé qui m'a aidé à résoudre cette situation difficile. La même technique peut fonctionner pour vous. Parfois, j'entends les gens dire que les choses arrivent si vite que même avec l'attention, ils ne peuvent pas contrôler leurs actions ou leurs paroles. Dire « même avec l'attention » n'a pas de sens. Peut-être leur attention était-elle faible ou minée par l'avidité, la haine ou l'illusion mensongère. Mais, par définition, l'attention nous maintient dans le contrôle de ce que nous pensons, de notre façon d'agir et de ce que nous disons. Il est impossible de crier après quelqu'un attentivement, d'abuser de l'alcool attentivement ou de commettre un adultère attentivement. Si vous êtes véritablement attentif, vous ne pouvez simplement pas faire ces choses-là. Nos habitudes sont si fortes que chaque fois que nous ouvrons la bouche, les mots semblent se précipiter au dehors. Il est possible que nous ne nous rendions pas compte de la quantité d'énergie qui se disperse avec nos paroles. Avec la conscience attentive, nous arrêtons cet épanchement et l'énergie s'accumule. Nous pouvons utiliser cette réserve d'énergie pour développer la vision intérieure dans la nature de nos habitudes. Utilisant cette énergie comme carburant, nous pouvons nous parler à nous-mêmes mentalement pendant la méditation, jauger nos actions et poursuivre l'entraînement de notre esprit. Cependant, quand nous laissons cette énergie contenue sortir sans que l'attention soit présente, elle explose souvent comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Je le constate en particulier à la fin des retraites. Quelques instants auparavant, un groupe de personnes parfaitement silencieuses était assis immobile ou se déplaçant lentement. Puis le noble silence de la retraite se termine et un bruyant brouhaha de conversation éclate. Ce torrent de paroles s'écoule pendant une heure ou deux, jusqu'à ce que toute l'énergie emmagasinée soit dissipée. Plus la retraite est longue, plus les gens sont bruyants et exaltés, à moins qu'ils ne fassent l'effort de rester très attentifs à leurs paroles. Le seul antidote à la parole erronée est une forte dose d'attention, non simplement pendant les retraites ou lorsque vous êtes devant une épreuve ou une situation difficile, mais pendant toute votre vie. L'attention à la parole juste apportera sa contribution à votre bonheur. Je le garantis. Point clé pour se souvenir de la parole juste. Voici les points clés pour éviter d'être malheureux grâce à la parole juste. La parole juste requiert que vous vous absteniez des mensonges, des paroles malveillantes, méchantes, et des bavardages inutiles. Mentir par omission est toujours mentir. Les paroles malveillantes sont celles qui détruisent l'amitié entre les personnes ou qui nuisent à leur réputation. Insultes verbales, jurons, railleries, hypocrisie, critiques excessivement brutales ou dévalorisantes sont des exemples de brutalité verbale. La brutalité verbale blesse les autres et vous avilit. Commérages et paroles futiles mènent aux querelles et aux malentendus, vous font perdre votre temps et créent la confusion mentale. Toute parole futile, non motivée par la générosité, l'amitié bienveillante ou la compassion, est nuisible. Le test de la parole juste consiste à vous arrêter et à vous demander avant de parler « Est-ce vrai ? Est-ce aimable ? Est-ce bienfaisant ? Est-ce blessant pour qui que ce soit ? Est-ce le bon moment pour parler ?» Utilisez l'attention pour renforcer votre résolution de ne rien dire de blessant et de n'employer que des paroles aimables et bien choisies peut apporter de l'harmonie dans toutes les situations difficiles.